La petite femme, par Henri Barbus. Quand vous me parlez de votre foi d'ici, dit Peter, je ris. Et par vos temps d'hiver, quand je vous vois plus rouge, larmoyant et tout barbouillé de cache-nez de col relevé, si je mets à me remémorer les froids de là-bas, j'en ai le sentiment si vif et si présent que j'ai envie de sortir les mains à votre bise pour les réchauffer. Là-bas, c'est à peu près au bout de l'Amérique du Nord, et en haut du monde, comme qui dirait la station d'altitude du globe, dans les environs du 75e degré de latitude nord, que le diable emporte. Jetés comme des corbeaux dans ces champs glacés et picorant çà et là, des mois, des années, pour trouver un peu d'or, et s'aimer dans de telles solitudes glacées et tempétueuses que pour peu qu'on relevât de droite et de gauche, au vent, les pans de sa veste, et qu'on eût des patins aux pieds, on faisait des glissades de 10 kilomètres, endurant parfois, en manière de revanche, autour du poêle, des coups de feu si intenses que je m'étonne, gentlemen, d'être resté cru. Nous menions une existence qui doit compter double aux yeux du Seigneur pour les affaires du paradis. Est-ce à dire que nous n'avions pas le moindre répit? Non pas. Il ne se passait pas là-bas de choses drôles, c'est entendu, mais parfois il s'y déroulait de drôles de choses. La plus drôle, pour ainsi parler, fut l'histoire de Jonas Dever. Je frissonne encore, mes chers amis, tout cuirassé et tanné que je sois, au souvenir d'une drôlerie si énorme et si fantasmagorique. Jonas exerçait un métier qui n'était point sot. Au lieu de s'évertuer, comme nous, à trouver de l'or nouveau, il aimait mieux recueillir celui qui se trouvait dans nos poches. Il vendait de quoi boire et de quoi manger, et il le faisait avec un prodigieux appétit de lucre, car on avait beau engloutir et s'empiffrer, on sortait toujours plus léger qu'on était entré, de son auberge en planche, maigrement chauffé par un poêle de la dimension d'un chapeau haute forme. Au reste, le personnage marquait mal, avec ses fuyants regards qui semblaient aller se cacher dans les trous de ses yeux, sa grosse caboche de nègre roux, et la façon désagréable qu'il avait de passer sa main carrée dans la laine à matelas qui était collée sur son crâne. Bref, il y avait plus sympathique que lui. Mais il est équitable de reconnaître qu'en dehors de son avarice et de sa fructueuse manie de débiter de l'eau-de-vie bonne tout au plus à laver les pieds des chevaux, on ne pouvait en vérité rien lui reprocher. Il n'était pas le seul traiteur de l'agglomération de baraques qui, cramponné en cet endroit de la terre, résistait tant bien que mal au grand balayement de l'ouragan. Bastide Sullivan et sa femme faisaient aussi commerce de boissons et de victuailles. Cela était aimé de tous et, de plus, s'aimait beaucoup l'un l'autre. Lui avait une large carrure et de larges yeux qui éclairaient franchement son interlocuteur. Elle s'appelait Betsy. C'est un nom qui n'a l'air de rien, hein, mais je vous jure que je suis encore tout éberlué du joli petit portrait clair que ces deux syllabes, ces deux notes-là, me chantent à la mémoire. Bien que, lorsque je pense à la suite, bigre. Mais ne commençons pas par la fin. Donc Bastide et Betsy étaient heureux. Lorsque Bastide fut assassiné, on le trouva, le long d'un chemin traversé par des balles blindées. Enquête, remue ménage, parmi les cris aigus et les sanglots de la petite veuve. Mais on ne put découvrir le coupable. Tous ceux d'entre nous que l'on soupçonna se disculpèrent d'une façon péremptoire et rentrèrent en paix chez eux. Mais voilà que 2 soirs après, Betsy frappe à ma porte, entre, et me voyant seul, me dit, avec un éclair à l'œil, que c'est Jonas Dewar, l'assassin. Mais, balbutiai-je, il vient de fournir un alibi indiscutable. Elle secoua sa mignonne tête d'ange et frappa le sol de son pied menu. Puis elle cria que le misérable mentait et m'exposa un à un ses soupçons. Je restais bouche bée. Certes, cette série, cet enchaînement d'indices, de détails, démontrait le guet-apens machiné par l'odieux Jonas contre un rival religieusement haï. Oui. Mais, il y avait un mais. Tout cela, c'était de l'intuition, de l'instinct. Ce n'étaient pas les bonnes preuves palpables, solides, ayant cours en justice. Il n'y avait pas là la chose décisive qui eût fait condamner l'infernal bandit. Nonobstant le frisson de conviction que le contact de Betsy me faisait éprouver. Ah, il faut avoir travaillé comme moi dans les pépites et les gemmes, pour imaginer qu'on puisse être à la fois si minuscule et si précieux. Nonobstant cela, je lui dis mon avis. Elle m'écouta soigneusement, ses grands yeux de saphir tout attentifs dans son visage de fillette. Elle comprit, me fit jurer de ne parler jamais de ce qu'elle m'avait confié. Et, à instruction, loin de faire état de cette accumulation de préventions, elle chercha manifestement à disculper Jonas, qui avait été un moment inquiété. Bref, l'affaire fut classée. La mort de son mari avait laissé Betsy sans ressources. Elle dut chercher une place et, 3 mois après, elle est entrée comme barmaid au service de Jonas Dewar. 6 mois plus tard, elle s'était fait dans la maison de ce vilain célibataire une situation importante au point de vue moral, si l'on peut s'exprimer ainsi. Jonas, fasciné par la fine et étincelante créature, comparable en même temps à une fée et à sa baguette, parlait ouvertement de fiançailles. Les bons étaient publiés lorsque le docteur Bambini fut assassiné. Ici, une parenthèse est nécessaire. Les assassinats, dans les campements du genre du nôtre, n'étaient pas chose bien rare. Aussi, je vous prie de ne rien voir d'invraisemblable dans l'ordonnance de ce récit, qui est aussi réel que moi-même. Je signale le cas malheureux du docteur Bambini entre sang parce qu'il se rattache à notre histoire. Ainsi qu'il en avait l'habitude, une longue habitude, le shérif convoqua tous ceux qui, de près ou de loin, avaient approché le disparu avant sa disparition ou avaient quelque intérêt à son anéantissement et leur demanda des alibis. Nous en fournîmes tous, moi comme les autres et Jonas comme moi. Il vint déclarer, sans se départir du sourire qui lui endimanchait la face depuis la publication des bancs, que tel jour, à telle heure, il patinait sur le Yukon avec sa fiancée. Mais ne voilà-t-il pas que celle-ci, appelée à corroborer cette assertion, bondit et cria « Monsieur le juge, cet homme a menti !» On les confronta. Farouche, elle réitéra sa dénégation et ajouta même que, bien au contraire de ce qu'il prétendait, il l'avait, à cette heure-là, quitté précipitamment et mystérieusement. L'autre gesticula, supplia, hurla. Elle ne broncha point. Ah, c'était une solide petite chose que cette femme. On perquisitionna, on trouva des preuves. On arrêta Jonas qui écumait, délirait et qui, j'abrège, ne se tut que par force. Le jour où il eut le cou serré dans la fameuse corde. Et moi, j'admirais en tremblant la mignonne Betsy, car je savais bien qu'elle disait des mensonges, mais je savais aussi qu'elle avait raison. Elle travestissait les faits pour établir l'ordre logique des choses que le bon Dieu, s'il m'est permis de lui parler ainsi, avait le plus grand tort, jadis, de laisser en l'état. Elle mentait à cause de la vérité. C'était La Petite Femme par Henri Barbusse.